Bonjour à toutes et à tous, Stéphane. Donc, j'étais coordinateur de l'association Actis à Saint-Étienne. La question des archives, c'était tout au long en fait de l'histoire associative, ça a été des questions qui se sont posées au fur et à mesure, de savoir ce qu'on pourrait éventuellement en faire. Ce qui moi m'inquiète et me désespère, c'est que ben en fait ce travail il a pu se faire au muséum grâce parce qu'il y a eu toute une équipe qui a pu se mettre en place et qui a pu faire ce travail là mais dans toutes les associations un petit peu en France, un petit peu partout, toutes les militances qui ont été menées, tout ce travail il est à faire. Et si on le fait pas très vite, de toute façon, ça disparaîtra. Une fois que les personnes sont plus là, une fois que les personnes ne gardent pas forcément ces archives jusqu'au bout. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi-même sur Actis, de toute façon, à la fermeture de l'association, les archives ont été disséminées un petit peu partout. Il y a des choses, alors il y a les collègues de Radio Diôme, on en parlera peut-être cet après-midi, mais il y a une émission de radio qui a été tenue pendant des années par l'association qui s'appelait Sida en tête. Je ne sais même pas si des archives peuvent être retrouvées de ces émissions de radio, mais c'est des années d'émissions de radio associatives militantes dans les années 90-2000, parce que l'émission a duré un certain nombre d'années. Voilà, donc voilà, c'est toutes des questions dont on se pose, qu'on aimerait bien avoir des possibilités de pouvoir aussi faire ce travail-là. Je pense notamment à des bénévoles qui avaient travaillé, mais pendant des années, qui avaient réussi à collecter des affiches du monde entier de prévention. C'était une exposition de 500 affiches de prévention du monde entier qui a été exposée un peu partout dans la Loire, hein, différents endroits, et qui s'appelait Sida affiches du monde. Voilà, donc c'était toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont encore aujourd'hui vraiment importantes. Et en fait, je ne sais pas trop comment on peut, à notre échelle, y faire quelque chose, quoi, en tout cas avant que ce soit trop tard. Bah, merci pour cette remarque et ce témoignage. Effectivement, un des enjeux là de mon projet, de mon nouveau projet de recherche, c'est d'essayer d'éclairer un petit peu mieux, à la fois, enfin, de faire réfléchir en fait collectivement à la fois des chercheurs et des chercheuses qui ont des données parfois sur des enquêtes qui sont anciennes et qui pensent pas forcément en fait dans le temps le sort de leurs données. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait de nos données une fois qu'on les a utilisées ou pas? D'ailleurs, il y a beaucoup de données qu'on n'utilise pas et qui sont un peu perdues dans des zones grises comme ça, et c'est des données qu'on considère qui nous appartiennent, mais en fait ça appartient aussi aux personnes auprès de qui on a collecté ces données, donc il n'y a pas de raison de les privatiser comme ça. Voilà, de faire avancer la réflexion aussi au niveau des personnes qui ont des archives, parce que souvent en fait les personnes qui ont des archives, dans le meilleur des cas, elles s'en débarrassent et elles réfléchissent pas forcément, parce qu'on leur donne pas forcément les clés de compréhension sur qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez donné vos archives à un musée, à un centre d'archives. Bon, bah là en l'occurrence il y a ce cas d'un centre d'archives qui se permet de bloquer à 50 ans la communication de l'intégralité d'un fonds qui concerne la mémoire du sida à Marseille, ce qui est quand même en termes de transmission de la mémoire un problème là. Donc il y a effectivement une urgence où l'archive apparaît pas forcément comme évidemment la première chose quand on fait de la lutte contre le sida, et quand on s'en soucie, ce qui est déjà assez rare, on essaye de s'en refiler la responsabilité à des personnes qu'on considère comme des sachants. En fait, on retourne dans un paradigme qui convient pas, qui sont là en l'occurrence des professionnels de l'archive et du patrimoine, mais qui sont pas forcément sensibilisés aux enjeux sociaux et politiques de la transmission de cette mémoire. Donc l'idée de mon projet, c'est aussi de sensibiliser des professionnels de l'archive et du patrimoine sur, en fait, si vous bloquez ça à 50 ans, vous êtes en train de bloquer la transmission de la mémoire de la lutte contre le sida. Donc il faut faire attention avant d'appliquer des normes de manière complètement aveugle et automatique. Donc voilà, le projet, c'est voilà, à la fois, enfin, c'est de sensibiliser un peu, tous les acteurs, actrices de cette chaîne de la donnée, on va dire, de cette chaîne de l'archive, en essayant, bah, en fait, voilà, de créer des espaces de discussion collective entre archivistes communautaires, institutionnels, entre militants, militantes, associatifs ou non, et entre aussi des chercheurs, y compris des chercheurs qui travaillent un peu sur des aspects précis, notamment des juristes, en fait, ou des socio-historiens, anthropologues, voilà, enfin, là, j'ai accumulé des données, finalement. C'est un peu ça que je vous montre. Hein. Mais voilà, il y a aussi des questions réglementaires, juridiques, archivistiques qui se posent, des questions qui sont techniques ou qui sont présentées comme techniques et qu'il faut s'approprier. Il y a un enjeu, là aussi, de se réapproprier, en fait, tout simplement, des savoirs et des savoir-faire qui ne sont plus forcément liés à la prévention de la lutte contre le sida, mais qui sont aussi liés là à l'archivage de cette lutte, et donc en fait ça continue, quoi, ça se déplace là sur le registre patrimonial et mémorial et archivistique, on va dire. Je sais pas si ça répond à votre question. Bon. Oui, merci pour cet exposé. Je voulais, en tant que socio-historien, en fait, préciser des choses, parce qu'effectivement, discuter aussi, en fait, ce qu'on produit tous dans nos activités militantes ou autres, c'est des documents et pas des archives au sens légal du terme. Alors évidemment, on a des masses de choses à sauver et on ne peut pas tout sauver. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que, y compris d'ailleurs toutes les archives, enfin tous les données numériques qu'on accumule, etc., posent des problèmes de conservation. Moi, sur un terrain que j'ai fait récemment, on a décidé de ne pas déposer un fonds privé aux archives nationales, de ne pas rentrer en contact avec eux, précisément parce qu'on voulait travailler dessus. Et qu'on savait que si on dépose aux archives nationales, effectivement, un, il faudra des années avant que le travail d'archivage soit fait. Parce que les archives fonctionnent selon une logique de l'étagère. Donc, c'est d'abord, avant de régler un dossier, on va d'abord régler tous les dossiers qui sont déjà là. Et donc, c'est pour ça que ça prend parfois 10 ans, hein, finalement 14 ans. Donc, ça bloque la recherche. Et ensuite, c'est soumis à des lois qui sont celles de la protection des données personnelles, qui fait que donc, c'est 50 ans, voire plus parfois, quand c'est des données médicales, c'est encore plus longtemps. Donc voilà, il y a tout un encadrement juridique qui est très contraignant. Et en fait, ce que vous avez exposé, c'est la tension entre mémoire et histoire, effectivement. Quand on dépose des archives dans un fonds officiel, il faut le savoir, hein, c'est effectivement le rendre indisponible pour un certain nombre de temps, et donc faire le choix d'une histoire qui sera écrite bien plus tard, avec davantage de recul, ce qui a aussi ses avantages, et qui a ses inconvénients. Et je voudrais aussi dire un mot quand même sur le fait que moi, je travaille avec beaucoup de collègues historiens. Les historiens ne sont pas les archivistes. Ils le savent très bien. L'archivage, c'est un travail. Et par exemple, l'archivage, ça consiste certainement pas à tout garder. Ça consiste souvent à trier. Et ça consiste beaucoup à éliminer, en fait. Les archivistes éliminent des archives parce qu'ils ont une place limitée. C'est-à-dire qu'on... Contrairement à ce qu'on croit, c'est plus pour les étudiants que je dis ça, évidemment. Hein. C'est pas pour vous, Gilles Chantraine, mais... Renaud Chantraine. Mais c'est vraiment une vision qu'il faut avoir. C'est pas un stock qu'on augmente, c'est des flux d'entrée et de sortie. C'est un travail qu'on fait aussi, nous, en tant que chercheurs. On élimine plein de choses, en fait, on ne garde pas tout. Et donc, il faut s'interroger aussi, ce que vous faites, en fait, je pense, sur cette tentation de tout garder, de tout... et tout accumulé au risque de la dispersion. Et de, voilà. Donc c'était juste des... Voilà. Je pense qu'il y a un conflit qui est quasiment inévitable entre mémoire et histoire, en fait. Juste peut-être pour répondre, sans m'engager dans ce débat sur histoire-mémoire, et en réagissant sur cette remarque que vous faites à juste titre sur ce que c'est que l'archive, mais là, en l'occurrence, ma démarche de recherche, elle est un peu inverse. Là, l'idée, c'est pas de détruire ou de sélectionner. Au contraire, c'est de retrouver des choses qui vraiment... Enfin, c'est le point de départ de la recherche, c'est qu'il n'y a rien. Donc l'idée, ça ne va pas être d'éliminer. L'idée, ça va être au contraire de retrouver des traces. Et en fait, on se rend compte que c'est très difficile. Enfin, j'ai mis des années, en fait, avant de vous présenter ce petit corpus. Donc je ne sais pas si la réflexion sur la sélection de l'archive, l'élimination, le rôle de l'archiviste, le rôle de l'historien, comment elle s'insère dans ce dispositif-là de recherche. En tout cas, moi, je me situe clairement, en dépit du titre que j'ai choisi de modifier, dans une démarche d'activisme mémoriel, enfin d'entrepreneur de mémoire, si on veut hein, utiliser des concepts sociologiques, parce que ça répond à une demande et un besoin de transmission de la mémoire, et que pour faire ce travail, en fait, bah, il faut faire un travail que non, a priori, il n'a pas fait ni les historiens ni les archivistes, de retrouver des traces, de revenir aux paroles des premiers concernés, de chercher avec eux à faire vivre et à donner corps en fait des matérialités qui sinon sont un peu décomposées, un peu disséminées et surtout bloquées par des logiques et des raisonnements institutionnels qui sont problématiques quand même. Enfin, on peut les le fait. Bon, la question ne se pose pas des archives nationales, c'est plutôt les archives départementales, mais en fait, en plus de ça, c'est vraiment contraire à ce qui avait été dit aux donateurs en 2013, avec une espèce de performance de l'institution qui disait « mais c'est formidable d'avoir ce fonds privé, ça viendra compléter des fonds d'archives publiques sur l'action administrative de l'État ». Y a des problèmes, quoi. Et ces problèmes, il faut les penser de manière aussi politique, quoi. Donc c'est pas simplement un savoir-faire technique, l'archive. C'est aussi un engagement à faire trace et à transmettre la trace. Bonjour, et d'ailleurs ce choix du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée est quand même assez surprenant, notamment pour l'histoire du VIH en France. Et est-ce que vous savez si un musée autre que le travail de Christian serait dans les idées en France via AIDS, via ACT UP, via quelque chose, pour vraiment un musée des mobilisations françaises du VIH, pas perdu dans un fouillis des civilisations européennes, quoi. Avec tout mon respect pour les civilisations européennes, bien sûr. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire institutionnelle du Musée des Arts et Traditions Populaires qui s'est transformé de manière un peu magico-magique en MUSEM. Toujours est-il que c'est un peu le musée national pour les collections ethnographiques en France, avec le musée de l'Homme et avec d'autres musées, mais en tout cas, les collections du MNATP sont parties à Marseille, c'est comme ça. Sur AIDS et ACT UP, il y a des événements importants à signaler, c'est que, le précurseur, c'est AIDS national, qui a mis en place en 1999 une convention de dépôt de ces archives aux archives nationales, avec des versements réguliers, avec un accès à ces archives qui est assez compliqué, en fait, qui implique de faire une demande auprès des archives nationales qui transmettent la demande pour validation auprès du siège de AIDS, et les demandes sont vraiment très loin, pas systématiquement acquises, quoi, au contraire. Donc tout un processus là très compliqué là, d'accès à ces archives. Et le deuxième aspect, c'est en 2013-2014, ACT UP Paris, qui était en très grosse difficulté financière, avec une menace avec une procédure de mise en redressement judiciaire, et donc un risque éventuel à ce que les archives soient considérées comme quelque chose à valoriser d'un point de vue financier, donc vendre les archives pour écumer les dettes de l'association. Donc il y a eu un choix fait par l'archiviste à l'époque, en l'absence d'un centre d'archives LGBTQI à Paris, de transférer tout ce qui était conservé au sein de l'association en tant qu'archives au sein d'une structure qui s'appelait le groupe Archives et Documentation, aux archives nationales, et une partie est partie après au MUCEM. Bon, c'est un peu compliqué, mais donc les archives de ACT UP Paris sont aux Archives nationales. Donc voilà. Donc, et elles sont assez facilement accessibles pour le coup, beaucoup plus que Aide. Ça a ouvert un tout petit peu la voie depuis les archives de SIDA Info Service sont entrées en dépôt comme les archives de Aide, alors que ACT UP c'est devenu un don aux Archives nationales en 2022 ou 2021, je ne sais plus exactement. Voilà. Mais il n'y a pas d'autres cas, a priori. Enfin, s'il y a quelques autres cas entre le MUCEM et il y a notamment les archives de l'association Bernard Dutan. Bon, il y a une partie des archives des sœurs qui sont au MUCEM. Il y a une partie. Enfin voilà. Donc il y a des modèles qui coexistent. C'est ça que j'essaie de dire depuis le début. Il y a certaines archives qui sont. Enfin, en fait, il y a aussi des archives, c'est-à-dire les archives de l'organisation et des archives qui, enfin, des tracts d'une association. C'est pas pareil. On peut très bien retrouver des tracts d'une association un peu partout, que ce soit à Mémoire des Sexualités. C'est ce que je vous montrais. C'est pas pour ça que Mémoire des Sexualités a le fonds d'archives de l'activité. De toutes les activités organisées par ACT UP Marseille, par exemple. Les archives d'ACT UP Marseille, on ne sait pas où elles sont. Elles ont disparu. Voilà. Enfin, en tout cas, il faut continuer l'enquête qui est difficile, etc. Mais il y a un dossier à Mémoire des Sexualités, c'est tout. Et moi, j'ai lancé un appel à témoignages, etc. Bon, il faudrait continuer l'enquête, mais bon. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Et après, il y a, pardon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi des archives qui sont toujours gardées par des associations. C'est le cas notamment des Amis du Patchwork des Noms à Paris, où depuis 2021, il y a un nouveau conseil d'administration qui justement s'intéresse justement à l'histoire de l'association et fait tout un travail à la fois de revitalisation des activités de l'association en réorganisant et en restaurant les patchworks qui sont conservés par l'association, en organisant tout un tas d'actions, de déploiements, notamment avec un partenariat au Palais de Tokyo à Paris. Et toutes les archives de l'association, avec pareil tout un travail qui est couplé à un travail d'histoire orale, donc d'enregistrement d'entretien avec des anciens qui sont retrouvés avec des posts sur la page Facebook de l'association, donc tout un travail aussi de voilà de un peu de réflexivité quoi sur l'histoire de l'association et ses archives avec le traitement des fonds d'archives. Et il se trouve que les archives des Amis du Patchwork des Noms sont en dépôt, non pas aux Archives nationales, mais au collectif Archives LGBTQI à Paris. Voilà, donc quand je dis qu'il y a des modèles qui coexistent, là vous voyez un peu une diversité. Et donc il faut. Donc mon enquête, c'est, quand je parle de maillage et de cartographie, c'est vraiment d'essayer de comprendre à la fois où se trouvent les choses, et puis surtout comment elles sont arrivées là, c'est quoi les montages un peu parfois très rocambolesques en fait, de ces transferts ou de ces non-transferts. Il y a aussi évidemment beaucoup d'archives qui sont gardées par des militants et des militantes, notamment pour des raisons soit politiques, de ne pas vouloir donner à une institution, parce que en fait on a combattu pendant vraiment longtemps une institution, et puis le cas là du blocage à 50 ans fait réfléchir à deux fois quoi, clairement, ou alors parce que c'est trop intime, trop sensible, trop important, on a besoin de le garder près de soi. Enfin, c'est voilà, une archive qui concerne quelqu'un de très proche qui est mort, et on n'est pas prêt de s'en détacher, on n'est pas prêt de s'en déposséder. Et donc, voilà, il y a plein de raisons. Il peut y avoir plein de raisons. Plus tout ce qui est perdu pour x ou y raison, tout ce qui est détruit, tout ce qui n'est pas important à un moment donné, ce qui est aussi lié à comment est-ce qu'on réfléchit cette question de l'archive. Est-ce que c'est pour les historiens du futur? Est-ce que c'est pour les militants d'aujourd'hui? Est-ce que c'est... voilà. Donc c'est assez... Enfin, c'est là que c'est un peu... C'est assez dense, compliqué, riche. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui travaillent un peu spécifiquement sur... tous ces enjeux-là, même si il y a quand même une nouvelle génération de projets de recherche qui, voilà, qui réfléchit à ces enjeux d'archivage et de mémoire. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire notamment avec les associations, pour trouver des solutions qui soient les meilleures pour les uns et les autres. Voilà. Merci Renaud pour ta présentation. Moi, je suis anthropologue et je travaille sur l'histoire de la lutte contre le sida, d'abord de l'association Aide, puis aujourd'hui en Guyane. Et la question des archives, c'est quelque chose parcellaire. Enfin, on trouve clairement pas tout. On est souvent confronté à des acteurs qui sont dans la lutte au temps présent aussi. On a un de nos enquêtés sur pendant l'enquête sur Aide qui nous disait qu'il avait longtemps pensé, nous, on n'est pas des limaces, on laisse pas de traces. Enfin, ce qui importe, c'est la lutte aujourd'hui, ce qu'on est en train de changer, c'est pas l'histoire qu'on va laisser. Et pour réfléchir un peu à cette question des archives, déjà, en France hexagonale, on voit que c'est souvent les grosses associations, les grosses structures qui pensent à l'archive, et encore, ils y pensent quand il y a quelqu'un, enfin, c'est souvent personno-dépendant, quand il y a quelqu'un qui est formé aux archives, qui va mettre ça en place, et poussé. Enfin, il suffit d'aller dans les archives conservées par Aide qui n'ont pas encore été versées pour voir le bordel. Voilà, et moi j'ai aussi été confrontée aux archives en Outre-mer. Du coup, des assos qui sont beaucoup plus petites, avec des conditions de climat qui ne sont pas du tout... propice à conserver du papier. Et voilà, et des archives qui sont en train de disparaître avec des gens. Donc pareil, ça va reposer sur des personnes. Chaque fois qu'il va y avoir un déménagement, l'arrêt d'une association, il va y avoir perte d'archives. Et je sais que du coup, nous, ce qu'on peut faire en tant que chercheurs, même jeunes chercheurs, c'est de questionner sur ces questions de est-ce que vous avez des archives, est-ce que vous avez pensé à en faire quelque chose, rappeler que c'est précieux. Et pour avoir essayé de le faire à plusieurs reprises, il y a des gens qui... Enfin, voilà, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Ils ont beaucoup d'autres choses à régler dans un moment où il y a une baisse des subventions, où il y a plein de choses compliquées. Et même quand, en Guyane, il y a les archives départementales qui font un super travail, qui proposent, qui font beaucoup de collectes, qui, je pense, sont ouverts à faciliter la consultation de fonds d'archives. Voilà, peut-être juste pour finir, je sais que dans l'association Aide, qui est devenue Entraide en Guyane, la plus vieille association de lutte contre le sida à Cayenne, je suis tombée sur des cartons de photos. Et ces photos, je ne les aurais jamais, j'aurais jamais pu les consulter aux archives départementales parce que, voilà, la plupart des gens sur ces photos ont vécu avec le VIH et probablement sont morts. Et c'était aussi un très beau moment de regarder toutes ces photos avec une des anciennes militantes de cet asso, qui, face à ses archives aussi, se retrouvait renvoyée par le passé, et par un passé avec beaucoup de gens qui ne sont plus là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Charlotte. Je peut-être pour illustrer un peu ce que vous disiez sur la place en gros des archives privées. Juste, c'est très rapide. La place des archives privées dans les archives publiques. Donc pour le cas des archives départementales des Bouches-du-Rhône, donc ce cas là de ce militant qui donne ce fonds en 2013. En gros, on a eu rendez-vous avec la directrice pour régler cette affaire au bout de 6 ans en fait d'échange, là, pas très agréable, on va le dire. Et donc elle nous explique en gros qu'il y a une personne qui est chargée des archives privées, que les archives privées aux archives départementales c'est 2 km linéaires et que le fond fait à peu près 2 mètres linéaires. Donc ça représente vraiment Du coup, oui, c'est ça. Est-ce que la stratégie, c'est de mettre les archives là ou c'est d'en faire autre chose ? C'est intéressant ce que tu dis sur les photos. Et je pense qu'il faut continuer. Enfin, moi, j'ai pas la réponse. Et pour le coup, il y a des photos dans le fonds d'archives de Jean-Marcel Michel qui font partie de ce qu'on a débloqué. Je ne sais pas. Je ne suis pas totalement sûr sur le statut juridique de ces photos. Est-ce que les photos sont considérées comme des porteuses de données à caractère personnel ou pas? Il y a tout un truc à créer. En tout cas, d'expérience et pour avoir été confronté à du bordel dans les archives de mémoire des sexualités ou autres, et d'avoir consulté ces photos seul dans une salle de lecture de centre d'archives départementales où il n'y a pas grand monde, et surtout, bah, en fait, il n'y a personne pour partager ce qui est en train de se passer et parler de qui sont ces gens, de quel événement ça représente, à quelle date on est, etc. Ça a énormément d'intérêt de faire ce travail de mise en lien, de mise en relation, de mise en récit, d'avoir la personne d'une personne concernée qui va avec toi en tant que chercheur pouvoir décrire, en fait, donc ce soit enregistré ou pas. Bon, il y a beaucoup d'émotions on a vécu des moments comme ça ensemble avec le Witness Seminar, mais c'est ce qui donne sens aux archives aussi. Enfin, après, oui, bien sûr, l'historien dans 200 ans pourra décrire de manière formelle ou spéculer sur quel est cet événement, mais en fait, si c'est juste une photo et que la personne qui est concernée ne la décrit pas, en fait, l'historien du futur, il est beaucoup moins efficace. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, là, sur cette question de la transmission de la mémoire militante, en tout cas, il y a un besoin là de travailler avec les personnes concernées, quoi. Voilà, tout dépend de l'objet de recherche de l'historien du futur, on est bien d'accord. Mais voilà, sinon, cette mémoire se perd. Voilà, point.